dernier chapitre, chapitre 4. Et on va pas. Je ne sais pas si on va avoir le temps de terminer. Sinon, ben, la semaine prochaine aussi. Nous allons prier ensemble avant de commencer. C'est toujours un privilège, notre Père du ciel, de s'asseoir à tes pieds, t'écouter. Tu veux nous parler, c'est tellement condescendant de ta part de vouloir t'adresser à la créature. Et on ne réalise pas la distance qu'il y a entre nous et toi. Mais c'est toi qui l'as franchi. Tu es venu jusqu'à nous. Tu t'es incarné afin qu'on puisse voir Dieu agir parmi les hommes. Notamment, Seigneur, que cette parole que nous allons méditer aujourd'hui puisse nous emmener à comprendre à quel point tu dépasses tout ce que notre imagination peut se laisser aller. C'est toujours plus grand qu'on peut s'imaginer. Et on te demande que ta parole agisse dans nos cœurs et qu'on puisse sortir d'ici motivé, encouragé de te servir. Amen. Amen. Vous vous souvenez de la vision d'Ésaïe au chapitre 6? Ésaïe a une vision. Il est dans le temple de Dieu. Il a une vision. Il a une vision d'un immense trône avec quelqu'un assis dessus qui a une grande carpe qui se puis il y a de la fumée, puis qui sait qu'il est dans la présence de Dieu et que Dieu lui parle. Et à un moment donné, Dieu lui dit, qu'est-ce que je vais envoyer? Qui est-ce que je vais envoyer parler à mon peuple? Puis Isaïe dit, moi, ça fait-tu l'affaire? Je peux-tu y aller, moi? Et là, Dieu, il dit, oui. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je lui dise au peuple? Écoutez bien ce qu'il va dire. C'est vraiment spécial, qu'est-ce qu'il va dire. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, qu'il n'entende point de ses oreilles, qu'il ne comprenne point de son cœur et qu'il ne se convertisse point et ne soit point guéri. Et je dis, jusqu'à quand, Seigneur, je vais faire ça? Il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Donc, c'est tout un message. Pas très positif. Mais quand on oublie, quand on ne voit pas le contexte, on a de la misère à comprendre pourquoi Dieu dit une telle affaire. Sinon, on a toujours l'impression que Dieu dit « Allez, prêchez la bonne nouvelle, puis les gens vont être sauvés. » Mais ici, il part, puis Jésus va revenir avec cette pensée-là dans les évangiles. Mais quand on le met dans le contexte, au chapitre 5, Ésaïe a déjà parlé au peuple à plusieurs reprises, avant que ça arrive. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il va aller parler au peuple. Les autres fois, il a dit « Malheur à toi, Israël, parce que ta-ta-ta-ta, malheur à toi, comme Jésus qui fait un peu avec les pharisiens, malheur à vous, pharisiens. » Tout le chapitre 5, Isaïe apporte des malheurs sur le peuple d'Israël. Et là, après, il y a une vision. Et là, Dieu il dit, maintenant, faut que tu y retournes. Mais cette fois-ci, ce ne sera plus un appel à la repentance, c'est un appel à la destruction que tu vas faire. Tu vas leur avertir que ma patience est terminée. Ça va être fini. J'ai plus de patience. Et il va détruire le peuple. 150 ans plus tard, cette prophétie-là se réalise. Et le peuple n'existe plus. Il est parti en déportation. Mais il dit à la fin, mais Quand on coupe un arbre, il reste une souche. Et de là va sortir un rejeton qui va faire un nouveau peuple. C'est la prophétie de Jésus. Mais ce peuple-là, son cœur, je l'ai appelé des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Maintenant, c'est terminé. Ça fait un peu peur, hein, dans ce sens. Puis il avait fait la même chose avec Pharaon, vous vous souvenez? Appel. Finalement, il dit, c'est terminé. On a l'impression que la patience de Dieu, elle est comme infinie. Mais il faut bien comprendre dans le texte, ce qui va les endurcir, c'est la vérité. Il va leur dire la vérité, puis ils vont s'endurcir devant la vérité au lieu de se repentir. Puis Jésus va dire la même chose pendant qu'il est sur la terre. Il dit, « Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. » La vérité, ça peut endurcir les gens. Et pourquoi je vous conseille? Parce qu'aujourd'hui, on va voir dans l'Épître à Timothée que l'Église va se mettre en place des gens pour entendre ce qu'ils veulent entendre. Ils veulent entendre des choses agréables. Donc, ils vont se nommer des pasteurs, on pourrait dire ça, des anciens, qui vont leur dire des choses qu'ils aiment entendre. J'ai écouté ce matin Don Carson qui a parlé sur l'Église émergente. Ça ne vous dit rien peut-être. Les années 90, 2000, il y a une nouvelle vague qui a passé dans les églises américaines et canadiennes sur l'Église émergente. Donc, on va adapter la culture, l'Église à la culture dans laquelle on vit. On va s'adapter pour parler à la génération X. Là, ce n'est plus les boomers. Les boomers sont croulants, sont fatigants avec leurs orgues et le piano et leurs cravates. On va rejeter tout ça et on va partir une nouvelle église pour atteindre la génération X, les 25-35 ans en baissant. Puis il parlait de ça. Et donc, il expliquait, il y a eu quelques bons côtés de ça. Mais il est venu aussi des côtés négatifs à ça. Donc, c'est devenu maintenant l'être humain qui est au centre. Et on adapte l'Église à l'être humain qui assiste. Au lieu de dire à l'être humain qui assiste, adapte-toi à ce que Dieu a dit. Donc, il y a un danger de vouloir des fois trop faire de compromis pour aller atteindre les gens. Des fois, on en fait peut-être pas assez. C'est vrai. Si j'arrive avec ma cravate dans un milieu de hippies, qui sont nu-pieds pendant que l'autre côte, ils vont peut-être dire il est fatiguant. T'sais. Mais c'est où qu'on met la limite? Où qu'on met la limite pour pouvoir attirer les gens au Seigneur Jésus-Christ? On a changé la musique, on a changé l'habillement, on a changé le comportement, on a changé un paquet d'affaires. Mais finalement, il dit, vas-tu avoir plus de monde sauvé ou pas? Si on regarde nos 30 ans passés, là, des 90 à 2025, y a-t-il eu plus de monde sauvé? C'est intéressant de voir qu'il y a quelque chose à faire pour atteindre les gens, mais en même temps, il y a quelque chose à faire de dire aux gens qu'ils vont devoir s'adapter à ce que les Écritures vont dire. Et c'est de garder ce juste milieu-là. Puis quand on regarde l'histoire de l'Église, l'Église a bien amusé à rester au milieu. Elle va d'un bord ou l'autre. D'un bord ou l'autre. Tu sais, puis quand elle passe au milieu, il y a un bon moment, parce que ça passe l'autre bord. Puis là, on va trop loin, c'est l'autre côté, encore une fois. Et c'est toujours un peu ce que l'apôtre Paul va nous parler aujourd'hui dans ce quatrième chapitre. C'est son dernier chapitre. On pense que c'est son dernier livre. Il dit lui-même, j'ai terminé la course, j'ai fini. Viens avant l'hiver, parce que l'hiver, le printemps prochain, je ne suis pas sûr que je vais être encore là. Viens me rejoindre. Donc, c'est ce qu'il dit à Timothée qui doit le transmettre jusqu'à un certain point à l'Église. Fait qu'on va lire le chapitre 4 en entier, si vous voulez bien, même si on ne le fait pas tout en entier. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 4. Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Ubulus, Pudence, Linus, Claudia, et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous. Ça, c'est le texte que nous avons aujourd'hui à méditer. Et on se souvient que l'apôtre Paul a dit au premier chapitre, « N'aie pas honte de moi, le prisonnier du Seigneur Jésus-Christ, n'aie pas honte du témoignage à rendre à Jésus. Souffre avec moi pour l'Évangile. » Ça, c'était le premier chapitre. Dans le deuxième chapitre, il dit, « Fortifie-toi, parce qu'il y a des temps difficiles qui s'en viennent. » Donc, quand on voit des choses difficiles qui s'en viennent, bien, on se prépare en conséquence. Hein? Ça vient une tempête, on se prépare. Ça vient un déluge, on se prépare. Ça vient des choses difficiles, on se prépare à faire face à cela. Parce que ça va être difficile. Donc, il faut se préparer avant que ça arrive. Si vous préparez quand c'est, ça arrive, la plupart du temps, vous allez manquer votre coup. Vous allez pas, le vent va tout arracher, c'est trop tard. Il faut se préparer avant. Surtout que nous, on n'est pas dans les pays des tornades, mais ceux qui vivent dans les tornades, dans Floride, dans ce coin-là, vous les voyez, ils mettent des petits plywood sur les portes, puis tout partout, ils se préparent. Ils ont quelques jours à se préparer avant que ça arrive. Donc, ils font toutes sortes de choses pour se protéger contre ce qui s'en vient, le danger qui s'en vient. Donc, puis on a vu au chapitre 3, il dit, « Demeure dans les choses que tu as apprises et éloigne-toi des choses nouvelles. » Des femmes, des vains discours, des discours vains ou des profanes. Éloigne-toi de certaines choses et garde-toi dans la vérité. Et la vérité, mais c'est ce que moi je t'ai dit, Paul. Ouf! Il pouvait dire ça. Nous, on ne peut pas le dire comme ça, mais lui, il pouvait le dire parce qu'il avait entendu de Jésus direct et sa mission, c'était de dire ce qu'il avait entendu de la part de Jésus. C'est pour ça qu'il va dire à plusieurs reprises dans ses épîtres, ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai entendu du Seigneur directement. Et je vous le répète, donc il ne peut pas avoir d'erreur. Il ne peut pas avoir d'erreur dans ce que je vous dis. Donc l'apôtre Paul dit au chapitre 4, que j'ai intitulé pour moi, termine la course, Timothée. Termine la course. Et tant qu'on n'est pas arrivé, au fil d'arrivée, la course n'est pas terminée. Mais il faut aller jusqu'au bout de la course. Donc, il dit au verset 1, « Je t'en conjure. » N'as-tu d'autres traductions que « conjurer » Exhorte. Exhorte, c'est pas assez fort pour moi. Je te demande solennellement. Je te demande solennellement. Solennellement, ça c'est mieux un peu. Solennellement. Je t'en supplie. Je t'en supplie, ça c'était un peu plus fort. Et le mot « conjurer », c'est quand on... Souvent, on parlait qu'on chassait les démons. On les conjurait de sortir. On parlait avec force. « Je t'en conjure. » Et là, il dit, puis il prend deux personnages assez importants. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. » Oh, OK. OK, il y a des gens importants qui sont là, qui sont appelés. Il dit... qui doit juger les vivants et les morts. Qui va juger Dieu ou Jésus-Christ ici? Hein? Qui va juger les vivants et les morts? C'est Jésus-Christ dans le texte qui va le faire. Mais remarquez bien ce qui est intéressant à remarquer. Des fois, dans notre théologie, on l'oublie. C'est que le jugement n'est pas arrivé, même pour ceux qui sont morts. Non, il dit, il va les juger à la fin, à son avènement. Au nom de son avènement, il va les juger à la fin. Puis c'est pour ça qu'on voit dans l'Apocalypse, chapitre 20 aussi, qu'il va y avoir une résurrection des vivants et des morts. Et les vivants sont jugés, et les morts sont jugés. Donc, le jugement dernier a lieu pour tout le monde en même temps. Donc, il dit, je t'en conjure au nom de celui qui va juger les vivants et les morts. De faire quelque chose. Là, il va dire, si Dieu sera à côté de moi, si Jésus sera à côté de moi, il dira la même chose que moi. C'est ça qu'il est en train de dire, là. Je te parle au nom de quelqu'un que moi, j'ai peut-être pas de poids, mais Dieu a du poids, puis Jésus a du poids, donc on devrait faire attention. Quand les prophètes de l'Ancien Testament disaient, et convoquaient le peuple, ils disaient, Dieu a dit! Et tout le monde écoutait. Dieu a dit, on est mieux d'écouter. Si Dieu veut parler à travers quelqu'un, nous, c'est à travers les Écritures. Mais là, il marque bien qu'il dit, le jour vient du jugement. Et c'est au dernier moment que le jugement va avoir lieu et qu'il va être scellé. C'est au futur. Nous, des fois, quand on parle de notre salut, on regarde en arrière. Puis ici, dans notre texte, à deux ou trois reprises, il va encourager les chrétiens à regarder en avant, vers l'avènement, et non pas à la croix seulement. La croix, c'est le début du pèlerinage, c'est le début de la course. La fin, c'est l'avènement. Et si je regarde toujours à la croix, puis j'ai le dos tourné à l'avènement qui s'en vient, ça ne marchera pas. La croix est en arrière de nous. Ce qui motive le croyant maintenant, c'est l'avènement. Ce n'est pas la croix. La croix, c'est on comprend que c'est ça qui nous a donné le privilège d'être, qui nous a justifié, nous a donné le privilège d'être devant Dieu. Maintenant, on attend l'avènement qui va nous permettre de jouir, je pourrais dire, pleinement du salut qui nous a été accordé. On attend ça. C'est comme la jeune mariée ou le jeune marié qui attend le jour du mariage. C'est pas, il ne se rappelle pas les fiançailles. Là, il dit, j'ai hâte aux fiançailles. Non, c'est passé, ça, les fiançailles. On s'en va vers le mariage. Et on anticipe le mariage. On attend le jour du mariage parce qu'il va se passer de quoi de spécial cette journée-là. Là. C'est ça qu'on attend. Donc, l'avènement du Seigneur, dans notre texte d'aujourd'hui, c'est ce qu'il va prendre. C'est parce qu'il dit, il va juger les vivants et les morts au nom de son avènement et de son royaume. Donc, il dit que c'est... Puis il va dire un peu plus bas, vous l'avez entendu, il va donner la couronne de justice, pas à ceux qui ont aimé la croix, à ceux qui ont aimé l'avènement. Mais vous, la différence entre les deux? C'est plus ceux qui ont aimé la croix, ceux qui ont cru à la croix, ceux qui ont cru à la croix, puis souvent on parle de celui à la croix, puis à la croix, puis à la croix. Mais c'est pas, ce ne sera pas ici, ce n'est pas ça qui se passe ici. Là. Il dit qu'il va donner la, juste, la couronne à ceux qui ont aimé l'avènement vers le futur. Ça nous donne une idée comment Paul fonctionnait, que, où ce que ses yeux étaient. Nous, on est élevés catholiques, vous autres aussi, probablement toute la gang. Et nous, il y avait des crucifix partout dans la maison. On nous amenait à la croix. On ne nous parlait jamais de l'avènement. Jamais on nous parlait du retour du Seigneur, qui viendrait. Non. C'était à la croix qu'on parlait. Et je crois que l'équilibre à avoir, c'est que nous, quand on parle à un nouveau, un inconverti, on l'amène voir la croix. C'est là que ça commence. Mais après que c'est passé, il faut qu'il lève les yeux vers l'avènement. Parce qu'il va tourner en rond s'il ne regarde pas l'avènement. Il va prendre sa vie chrétienne, va tourner en rond. Il ne va pas nous parler. Parce qu'il regarde toujours en arrière, la croix. Non, il faut que tu lèves tes yeux vers l'avènement. C'est ça qui va devenir ta motivation dans la vie chrétienne maintenant, cet avènement-là qu'on attend. Donc, il dit, au nom de son avènement et de son royaume, je t'en conjure, au nom de Dieu, au nom de Jésus, qui au jour de son avènement va juger les vivants et les morts, je te conjure de faire de quoi en attendant? De faire quelque chose en attendant que l'avènement arrive. C'est ça qu'il est en train de dire. Puis là, il dit à Timothée, au verset 2, trois choses, quatre choses, cinq choses. Prêche la parole, insiste, favorable ou non, reprend, censure, exhorte. Donc, il y a quatre choses à faire, prêcher, reprendre, censurer, exhorter. Donc, il dit, tu vas faire ça. Mais où? Dans l'Église. C'est pas les inconvertis. Je sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'ai été élevé spirituellement il y a 47 ans en arrière. Que ça, là, c'était les inconvertis qui se nommaient des gens pour entendre des choses agréables. C'était pas les chrétiens, c'était les inconvertis qui faisaient ça. Et dans notre texte ici, c'est plus les croyants qui font ça. C'est pas les inconvertis. Donc, ils prêchent la parole, ils insistent en toute occasion favorable. Prêchent. Et là, tu vas, que ce soit une bonne occasion ou pas, dans l'Église. Donc, si tu arrives à un texte qui parle, mettons, d'homosexualité, s'il y a des homosexuels dans l'Église, tu prêches le texte. Peu importe. Si c'est un texte qui parle du mariage ou du divorce, t'en parles, même si c'est tous des divorcés qui est là. C'est ça que le texte dit. Si tu parles de, si le texte parle de l'enfer, mais tu parles de l'enfer, c'est ça que le texte parle. Commence pas à courir dans la Bible et t'en arrives vers les textes que tu veux prêcher parce que tu ne veux pas piler ses pieds à personne. Fait que tu fais attention à ce que tu vas dire dans l'Église. C'est la difficulté que les Églises québécoises vivent depuis 25 ans à peu près. Nos Églises sont un méli-mélo de toutes sortes de chrétiens qui viennent de toutes sortes de mouvements. Donc on fait attention. Quand je suis arrivé ici, j'ai demandé au pasteur, on s'est rencontré, moi, le Gaétan, avec le pasteur, puis d'autres, un diacre qui était là. J'ai posé des questions, ils nous ont posé des questions. Mais quand on croit à ça, mais on n'en parle pas dans l'Église, parce que c'est pas tout le monde qui est d'accord. Ça fait pas mon affaire, personnellement. J'aime pas cette attitude-là. Parce que, qu'est-ce que tu vas faire? Fait que, qu'est-ce que tu fais? Tu évites ces textes-là. Tu ne prêches plus par exposition. Tu évites les textes. Tu choisis juste les textes qui parlent de s'aimer, de se faire du bien, de se pardonner, de faire ceci, de faire cela. On a choisi les petits textes. Qui ça. Un matin, j'ai écouté un pasteur. Puis, je le connais depuis longtemps. Et lui, il prêche. Chaque fois qu'il prêche, peu importe le texte qu'il prêche, c'est pour faire l'évangélisation. Il encourage à faire l'évangélisation. Puis, ça, le texte ne parle pas de ça, mais il faut faire l'évangélisation. Puis il fait le repas du Seigneur, puis le repas du Seigneur, ça devient une mini-campagne d'évangélisation pour la gente. Je lui dis, ils sont pas tant que ça dans l'Église, qu'est-ce qu'ils pensent-tu que tout le monde n'est pas sauvé, quoi? C'est toujours en train de... Mais il encourage surtout les chrétiens à faire l'évangélisation. C'est ce qu'ils aiment faire. Fait que n'importe quel texte devient un prétexte pour encourager les chrétiens à faire l'évangélisation. Là, j'étais là sur ma chaise. Parle pas, n'alerte-toi, parle pas. Il ne pouvait pas m'entendre à nous. Mais ça m'attriste de voir qu'on arrive à un texte, mais on ne dit pas ce que le texte dit, par crainte de ce que les gens vont penser à l'entour. Et c'est pour ça que j'aime faire l'exposition, parce que quand j'arrive au texte, c'est ça que le texte dit, puis on en parle. Puis ça me parle à moi avant. Ne vous en faites pas. Vous m'entendez juste pendant une heure et demie. Moi, j'ai fait ça pendant 40 heures. Fait que s'il avait à me parler, là, il m'a parlé. Fait que c'est pas juste pendant une heure et demie. J'ai médité dessus pendant 30 heures, 20 heures. Ces notes-là que je vous parle aujourd'hui, j'ai regardé tous les jours de la semaine, deux fois par jour, des fois. Donc, si le Seigneur veut me parler, il me parle. C'est pas juste à vous autres qu'il parle. Il parle à moi en premier. C'est normal, non? Et il dit, tu vas prêcher la parole. Prêcher, ça, c'est la proclamation. Tu dis la vérité. Tu proclames une vérité quelconque sur Dieu. Un matin, j'écoutais un monsieur noir, parce que je l'ai vu passer à quelque part, j'ai dit, bon, moi, si toi, tu mets un monsieur noir là qui prêche, je vais écouter ce que tu prêches pour savoir ce que tu penses. Si tu l'as mis là, c'est parce que, selon toi, c'est correct. Puis là, si c'est pas correct, je sais que t'es pas correct. C'est toi qui l'as mis là, sur ma page Facebook. Fait que là, j'ai dit, t'es allé écouter un monsieur noir, puis là, il a dit des choses, j'ai dit, tout, OK. Donc, l'omniscience, c'était un attribut transmissible, l'omniscience. Mais pas parfaitement. Mais on apprend, on en sait beaucoup, mais pas autant que le Seigneur. Je dis, oups, on glisse, là. On s'en va dans une direction que c'est pas grec. Donc, je ne vous dirai pas qui a mis cela. C'est pas vous autres, c'est pas là. Si ce serait un de vous autres, je vous contacterai. Donc, il dit, proclame. Il dit, peu importe l'occasion, insiste. Le mot insister, là, vous savez, ça veut dire quoi, hein? Lâche pas le mot. Le mot, là, il contient quelque chose de sévère. C'est-à-dire que dans le grec, ça parle de sévérité. Reprends sévèrement les gens qui ne veulent pas réagir à la prédication qui a été faite. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, trois choses. Reprends ceux qui ne veulent pas écouter la prédication, reprends-les, parce qu'ils ne veulent pas le faire, donc il faut que tu les reprennes. Censure. Censurer, ça veut dire quoi, ça, vous autres, quand on vous dit que... vidéo qui n'a pas été censurée, ça veut dire quoi? C'est comme s'il y a un interdit de mis dessus. C'est intégral, il n'a pas été coupé. OK, censure, OK. Il n'a pas été coupé, on n'a pas enlevé les bouts qu'on n'aimait pas dedans. Il n'a pas été censuré, donc tu vas voir tout. C'est intégral. C'est, si le gars a prêché une heure, des fois, je vois des pasteurs qui vont prêcher une heure, puis ils vont nous présenter 30 minutes, une heure. Les gens n'écoutent plus rien d'une heure maintenant. Ça plus court que ça. Fait qu'il en coupe des bouts. Qui va choisir quel bout qu'on enlève? Fait que lui dit censure. Ça veut dire qu'il faut que tu reprennes ceux qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Il faut que tu corriges ces gens-là. Il faut que tu les reprennes parce qu'ils ne veulent pas. Il va falloir que tu leur dises ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu prêches, que la résurrection est déjà arrivée. C'est faux. Il va falloir que tu leur dises. Il va falloir que tu les convoques. Comme Philette ou Herménagie qu'on a vu la semaine passée qui prêchait une résurrection qui était déjà arrivée. Il va falloir que tu t'assieds avec eux autres à un moment donné et les reprendre. Tu ne peux pas les laisser aller comme ça. Si tu les aimes, tu vas les reprendre pour qu'ils reviennent dans leur bon sens. Mais ceux qui veulent et qui écoutent la parole de Dieu et qui se laissent reprendre par la parole de Dieu. J'écoutais M. Carson ce matin, puis il disait il y a 77 ans, sur son 50 ans de vie chrétienne, il nous disait à quelle fréquence la parole de Dieu l'avait repris et qu'il était obligé de dire « Je me suis trompé il y a 10 ans ». Je me rétracte. On serait en ligne plus correctement ici. Là. Ceux qui veulent être repris par la proclamation, bien, ceux-là, encouragent-les. Censure-les pas, mais encouragent-les. Ils voient bien qu'ils ont manqué de bateau. Là, ils disent, OK, on fait quoi maintenant? Mais là, tu vas les accompagner. C'est le mot exhorter, c'est le mot paraclétos qui veut dire accompagnateur. Tu vas l'accompagner dans son désir de changer. Tu vas l'aider à le faire. Parce qu'il vient d'entendre la proclamation, il sait qu'il devrait réaligner sa flûte, et il te le dit, oui, il faudra que je me réaligne-les, mais accompagne-les à ce moment-là. Mais celui qui ne veut pas, tu dois le censurer. C'est pour ça qu'on a vu plus loin, sépare-toi ces gens-là, éloigne-toi ces gens-là. Mais même des fois, c'est Enlève-les de l'Église, ces gens-là, parce qu'ils vont entraîner les gens dans la fausseté. Donc, c'est, la prédication va causer. Il y a des gens qui vont se voir, la parole les reprend. Comment ils vont réagir maintenant devant cette prédication-là, qui entendent cette proclamation de la vérité? Dans l'Ancien Testament, vous pouvez voir un paquet d'exemples dans l'Ancien Testament, quand Dieu parlait au peuple, que le peuple se rebellait, s'endurcissait, Dieu intervenait à travers Moïse, des fois c'est à travers le prophète, à travers Josué, n'importe qui. Donc il dit, fais-le avec douceur. Ceux qui veulent être repris, qui veulent changer, qui veulent être dans la bonne direction, exhorte-le avec douceur et en instruisant. Ça fait 2-3 fois qu'on voit ça. Prêche, puis instruit. Des fois, il dit enseigne, puis instruit. Enseigner, c'est la proclamation. Tu dis la vérité. Et ensuite ça, tu mets des liens entre les vérités. C'est ça que j'appelle l'instruction. Pourquoi tu dis ça, François? Pourquoi est-ce que la parole de Dieu dit ça? On fait des liens entre les différentes doctrines pour que ça fasse un tout. Il y a une époque, puis encore aujourd'hui, il y a eu dans l'histoire de l'Église des gens qui ne croient pas à ce qu'on appelle « the big picture » ou la grande image. Les autres, ils aiment enseigner des petites histoires, mais pas la grosse histoire. Ils vont chercher des petites histoires comme David qui tue le lion ou David qui tue Goliath. Puis ils se font toute une belle théologie alentour de ça. Mais ils oublient la grande histoire autour de ça. Pourquoi est-ce que Dieu voulait qu'on sache que Goliath avait été tué par David avec sa frange? Qu'est-ce que ça vient faire dans l'ensemble de l'histoire qu'est la Bible? Puis ils disent, on ne sait pas ce que ça vient faire dans la Bible, cette histoire-là. Mais c'est ça que l'enseignant va faire. Ça a une continuité, ça. Que ceux qui s'élèvent contre le peuple de Dieu vont en subir les conséquences. Donc, il y a, dans l'ensemble de l'histoire de la Bible, c'est toujours la même chose. Si tu te lèves contre Dieu ou contre son peuple, tu meurs. C'est ça l'histoire. Et jusqu'à la fin, dans l'Apocalypse, c'est la même affaire. Si tu te lèves contre Dieu et contre son peuple, tu vas subir la mort. C'est toujours la même vérité, tout au long de la Bible. Fait que tu ne peux pas la prendre et l'isoler et dire « Ah, Dieu veut nous donner la puissance de David pour aller confronter nos péchés, puis blablabla, puis qu'on bâtisse toute une histoire. » Moi, j'en ai vu des pasteurs qui ont prêché une fois « Tuez les géants dans votre vie. Tuez les géants dans votre vie. » OK. Mais ils se relèvent tout le temps. J'ai l'impression que je le tue, puis ils se relèvent tout le temps. « Tue-le encore une fois. » Mais ça ne marche pas. C'est pas ça qu'il veut dire, le gars. Donc, quand tu vas reprendre Épilète et Hermanégé sur la résurrection n'est pas déjà arrivée, dis-leur pourquoi tu crois ça. Explique-leur que c'est pas possible que la résurrection est déjà arrivée et qu'elle va être plutôt arrivée à la fin des temps, la résurrection. Et explique-leur le côté logique, le côté bon sens, pourquoi tu crois ça. Parce que dire que la résurrection est déjà arrivée, ça ne fait pas de sens avec un paquet de textes dans la Bible. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ces textes-là, dans la Bible, qui parlent de la résurrection, c'est à la fin des temps? Parce que tu ne tiens pas compte. Mais dans l'Église, depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, c'est ce qui se passe dans les Églises en général, en Amérique du Nord. On s'attache aux petites histoires de la Bible. On ne s'attache pas à la Bible. Même si on ne comprend pas le sens dans l'ensemble, on s'en fout un peu. Ça n'a pas vraiment d'importance. Comme, je prends ton exemple ce matin, qu'est-ce qu'on va laisser aux gens de nous autres? Quel rapport ça a avec l'ensemble de la Bible? Peut-être qu'il n'est pas capable de faire le lien dans tout cet ensemble-là. Il y a une raison pourquoi on a donné les généalogies dans la Genèse, ou dans la Chronique, ou dans les autres. Il y avait un sens. Pourquoi Dieu a-t-il décidé? Comme ce matin, je disais dans Genèse, et puis, je ne sais pas si vous avez tendance comme moi, mais quand il se met à décrire les affaires, des fois, j'ai tendance à vouloir virer la page. Puis là, il disait, bon, comment tu vas faire le tabernacle? Ah, comment tu vas faire l'éphod? Et comment tu vas faire la robe? Et comment tu vas faire l'arche de l'Alliance? Et comment tu vas faire ça? Et puis là, j'ai envie de tourner. Puis Dieu m'a arrêté, puis dit, je suis en train de te dire qui je suis. Lis! Tout ça, c'est là pour te dire qui je suis, pour te montrer qui je suis. Lis! Saute pas de page. Lis. Je suis en train de te dire que dans le temple, la plus belle place du temple, c'est ma place. Le plus précieux, c'est moi. Quand tu sors du lieu très saint, c'est plus de l'or, c'est de l'airain. Ça, c'est vous autres. Vous n'êtes pas à ma hauteur. Vous n'êtes pas dans la même dimension que moi. Ah, j'ai dit, mon ami, une chance, je n'ai pas sauté par-dessus. Connais-vous, Dieu est en train de me parler. Puis moi, je dis, oh, ben, c'est pas l'Ancien Testament. On va lire des belles petites histoires. Qu'on aime les géants, puis ci, puis ça. Hier, on était assis, on tentait de souper avec Rebecca et sa famille. Puis là, à un moment donné, ça a sorti. Moi, j'étais heureux quand on a fini de souper. Parce que c'est... Avant de souper, avant, on a parlé de Dieu. Puis les enfants avaient des questions sur les géants, puis les anges, puis tout ça. Enfin, moi, je flotte dans ce temps-là. On a eu un bon temps de voir, mais à quel point leurs questions sont... C'est des petites histoires. Mec. Pourquoi les anges, puis, pourquoi les demandes, puis, pourquoi ils coupent? Moi, l'Apocalypse, ça me fait tellement peur. Je ne veux pas lire ça. Elle dit, pourquoi Dieu veut nous faire peur quand même? C'est parce qu'il dit, on n'écoute pas. Quand ton père veut te reprendre, il ne tourne pas à terre en rien, là. J'ai quelque chose d'important à dire. Piri, piri. Finalement, dire, ce que tu viens de faire, c'était pas correct. Piri. Tu ne te prendrais pas ça au sérieux, là. Mais quand il veut te reprendre, tu vas voir dans sa figure, dans ses gestes, dans son ton de voix, que ce que tu viens de faire n'était pas correct. Il y a un apocalypse, Dieu donne des images qui sont un peu épeurantes, des fois. Mais il dit, parce qu'on n'écoute plus. Fait que là, il dit, je vais vous donner des images. Qui sont des fois un peu épeurantes, parce qu'on a tendance à vouloir voir le Jésus avec les beaux cheveux blancs, les yeux bleus, avec une petite brebis sur les épaules, avec une canne. Puis là, on l'aime, ce Jésus-là. Il est fin, puis il est gentil. Mais l'autre, avec l'épée qui sort de sa bouche, les yeux en feu, on passe par-dessus la page, là. On ne peut pas l'avoir. Mais on ne peut pas choisir les attributs qu'on aime. C'est de l'idolâtrie. Si vous enlevez à Dieu des attributs qu'il a, parce que vous ne les aimez pas, vous vous faites un Dieu à votre image et vous devenez idolâtre. C'est pour ça qu'il y a tant d'églises qui sont idolâtres sans penser qu'ils sont. Parce qu'ils ont enlevé certains attributs de Dieu. Ils ne veulent plus parler de la sainteté, ils ne veulent plus parler de la colère, ils ne veulent plus parler de l'enfer, ils ne veulent plus parler de ci, ils ne veulent plus parler de ça. Ils passent juste un Jésus d'amour. Puis c'est une idole. Ils se sont bâtis une image à leur ressemblance, comme s'ils disent, ils vont se nommer des gens, des choses qui leur font plaisir, qu'ils aiment entendre. Donc, il dit, tu vas être obligé de censurer. Timothée, ça va faire ça. Des fois, il va falloir que tu dises non, c'est pas correct, ça va pas dans la bonne direction. Mais, hop, faut se reprendre. Hop, il faut être plus sévère. Hop, il faut être plus doux. Hop, il faut encourager. Mais il dit, l'Église est toujours en train. Ça fait 12 ans que je vous le dis, on est toujours en train de s'en aller d'un bord puis de l'autre. Puis Dieu dit, t'es rendu trop loin, reviens vers le milieu un peu. Hop, t'es passé tout droit. Reviens ce côté ici un petit peu. Hop, tu passes encore tout droit. Reviens. C'est toujours de même. C'est l'histoire de la Bible. La grande image de la Bible, la grosse image, nous montre un peuple d'Israël toujours en train de s'éloigner. Et l'Église aussi. Cette valeur, c'est l'Église aussi. On la voit dans toutes les épîtres. Vous êtes éloignés, vous enseignez plus ça, vous faites plus ça. Vous avez abandonné la foi, vous avez abandonné la résurrection, vous avez abandonné ici. Revenez à ce que je vous ai dit. On est toujours en train. Et c'est pour ça que ce grand désir de Paul de dire à Timothée, c'est, il va dire un peu plus loin, fais ta job d'évangéliste. Fais ta job d'évangéliste. Et verset 3 dit, car pourquoi tu vas être obligé de faire ça? Pourquoi tu vas être obligé de prêcher, reprendre, censurer, exhorter avec tout ça et en instruisant? Car, là il nous dit la raison. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ça ne peut pas être le monde, cela. Le monde, c'est pas comme ça marche. Le monde, il ne supporte pas. Non, ça ne marche pas, là. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables qu'on a nommées dans les deux épîtres à Timothée, des phares, des contes, des discours vains, des discours profanes. On veut entendre ces choses-là parce que ça nous fait du bien, on aime ça. Ça nous... Ça, c'était bon un matin, ça, c'était bon, hein. Est-ce que j'ai aimé ça un matin? Pourquoi, qu'est-ce que tu as aimé? C'est pas vraiment, c'est parce que ça t'a fait du bien, puis ça l'a comme confirmé quelque chose, pas toi, je sais pas. Il dit, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Les désirs de quoi? Les désirs humains, les désirs de la parole de Dieu. C'était une de nos discussions hier autour de la table. Pourquoi les chrétiens pêchent? Puis pourquoi on parle d'arrêter de pécher? Puis on aime Dieu, qu'on dit, puis on fait des péchés encore. Puis c'était une grande discussion théologique. C'était intéressant de voir ça. De la part des jeunes, c'est ça que... Moi, j'étais encouragé de voir qu'il y avait un intérêt de la sorte. Il dit, ils détourneront, verset 4, ils détourneront l'oreille de la vérité. Détourner. On sait, ça veut dire quoi, se détourner? Hein? Ça veut dire que pendant un temps, tu t'en allais à bonne bande, ça, puis tu te détournes. Hein? Ça veut dire que tu changes de direction. Tu abandonnes la direction dans laquelle tu t'en allais et tu te détournes. Et ça, c'est. Ils se détournent ici, pas du péché, mais de la vérité. Ils se tourneront vers. D'effort. Comment est-ce que d'une église peut arriver à faire ça? C'est drôle, hein? C'est comment. Vous vous souvenez, dans le premier chapitre de la première épître à Timothée, c'est ce qu'il avait dit. J'étais laissé à Éphèse parce qu'il y en a qui enseignent d'autres doctrines et plusieurs se sont attachés à des fables. Mais c'est. Le désir d'aller vers des fables au lieu d'aller vers la vérité. Je ne sais pas si vous savez, quand vous lisez l'Ancien Testament des temps, puis à un moment donné, il y a un roi qui il a une décision à prendre, puis qui appelle des prophètes. Il y en a une vingtaine, je pense que c'est dans le Miché. Il y a à peine une vingtaine de prophètes qui viennent, puis ils disent, « Vas-y, mon roi! Dieu a dit que tu vas gagner! Vas-y, mon roi! Vas-y, puis tu vas gagner, puis Dieu va battre tous tes ennemis, puis tout le monde est content. » Puis là, il regarde dans la gang, « Où est-ce qu'il est Miché, là? » Il cherche l'autre prophète. Puis c'est Miché, je pense, il me semble que c'est Miché. Il arrive. Puis toi, est-ce que c'est que Dieu a dit? Dit, vas-y, tu vas mourir. C'est bien ça qui est arrivé. Les autres, ils venaient et voulaient dire au roi ce que le roi voulait bien entendre. Miché, lui, il a dit la vérité, vas-y et tu vas mourir. Tu es là, ce gars-là, il nous dit toujours des malheurs. Oui, ça, c'est la réaction. Pense que je te dis la vérité, tu veux que je meure. Et t'aimes les gens qui te comptent des mensonges. Tu sais pourquoi? La Bible nous dit, vous avez pour leur père le menteur. De naissance, notre père, c'est le menteur, c'est le mensonge. Donc, on aime le mensonge. Dans notre nature humaine, on aime le mensonge. Donc, quand quelqu'un nous dit la vérité, ça vient tout de suite contredire notre chair, qui, elle, aime le mensonge. Et quand on entend le mensonge, l'autre côté de nous, là, ce qui a été régénéré, elle, bon, réagit parce que là, c'est un mensonge. Donc, il y a ce combat permanent entre nous, en nous. Il dit, détourneront de la vérité, ils se tourneront vers des fables. Et quand ils font ça, il y a des répercussions. On ne peut pas penser que l'Église va faire ça et qu'il n'y aura pas de persécution ou de répercussions. J'ai marqué sur Facebook cette semaine, Jésus, dans certains textes, on le voit répondre à la foi. Dans d'autres textes, on le voit répondre à l'incrédulité. Puis c'est deux choses bien différentes. Parce que Jésus a réagi à l'incrédulité aussi des gens. Donc, il ne peut pas penser, on avait vu la semaine passée, si j'abandonne, il m'abandonne. Si je le renie, il me renie. Si je t'ai un infidèle, lui va rester fidèle. Il ne faut pas penser qu'il va nous suivre dans notre folie. Parce que sous la bannière de la bonté ou sous la bannière de l'amour, il va nous suivre quand même. Non. Dieu n'a jamais suivi le peuple d'Israël dans la sainte semaine non plus. Donc, il dit, mets-toi, eux, ces gens-là, ce groupe-là, mets-toi, sois sobre en toutes choses. Est-ce que vous avez d'autres choses que le mot « sobre » Verset 5. Circonspect. Hein? Toi, sois circonspect. Oui, mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire ça. Ça veut dire être un synonyme de ça. Bon, OK, OK. De modération. Oui. Fais preuve en toute circonstance de modération. De modération. Garde la tête froide. Garde la tête froide. Quand tu vas voir ça, ces gens-là là, qui agissent de même, toi, garde la tête froide. Sois vigilant en toute chose. Sois vigilant. Laisse-toi pas avoir, Timothée. Prêche, reprends, censure, exhorte. Laisse-toi pas. Toi, reste dans la bonne direction, Timothée. Termine la course, Timothée. Garde les yeux sur l'avènement. Termine la course, Timothée. Laisse-toi pas arrêter au milieu par des gens qui veulent aller dans une autre direction. Et là, il dit ce qu'on a vu tout au long des deux épîtres. Supporte la souffrance. Parce que ça va être ça. Tu ne pourras pas reprendre, censurer, exhorter, sans qu'il y ait de souffrance. Il va y avoir... François, la Bible, là, elle n'était pas encore là. Moi, c'est là que j'ai une difficulté à comprendre, parce que quand Timothée doit le faire, il ne peut pas arriver avec les autres, puis regarde, là, c'est écrit, là, regarde, Paul l'a dit, là, dans Éphésiens, tout ça. Il a ce que Paul lui a dit. Fait qu'eux, ils doivent croire ce que Timothée leur dit, en croyant pas, et c'est comme sur la base de ce que... Tu sais, c'est comme pas les écrits, fait que il y a quelque chose, c'est pas comme aller dans l'Ancien Testament où il y avait les rouleaux et tout ça, fait que moi, je suis d'accord, aujourd'hui, on a tout, là, mais pour eux, là, comment... Parce que Timothée, comment tu peux arriver et dire, « Hey, je le sais, c'est Paul qui me l'a dit, là, ça va... » Non, il dit avec douceur, là, excuse-moi, mais tu sais, avec fermeté, puis reprendre, quand il n'y a pas... On est à la fin de l'ère de l'Église, le Nouveau Testament est tout écrit déjà. À la fin, à l'an 68, 69, là, je crois il reste juste l'Apocalypse à écrire, hein, à l'an 90. Hein. Mais le Nouveau Testament est tout écrit. Ça ne veut pas dire qu'ils en ont tous une copie complète dans chaque église. Là. Okay, ça là, il y a des rouleaux de Il y a des copies. Des copies. Okay. Il dit plus bas, amène les rouleaux et amène surtout les parchemins. Ah, oui. Amène-les. Ah, puis, okay. Puis Pierre va dire que les écrits de Paul sont l'équivalent de l'écrit de l'Ancien Testament. Donc, c'est parce qu'il y en avait des écrits. Pierre avait lu ce que Paul avait écrit. Parce que c'était, imaginez-vous au premier siècle, là, hein? Tous des bons chrétiens salés, là, pour la foi. Tu reçois une lettre de l'apôtre Paul, tu te dépêches à faire une copie, puis tu l'envoies à l'autre église. C'est ça que ça faisait. C'est ça qu'il a dit, ce que tu vas avoir reçu de moi, va l'amener à l'autre église, ce que l'église a reçu là-bas, bien, prends-en une copie pour toi. Donc, il se dépêchait à écrire des copies, c'est pour ça qu'il y a 50 000 copies qu'on a trouvées bien partout. Parce que c'était le désir du croyant, il voulait savoir ce que Dieu disait, il voulait savoir ce que Paul disait ou Pierre disait. Fait qu'il se dépêchait à faire des copies des évangiles ou des épîtres pour en avoir une copie dans l'Église, aussi vite que possible. Et là, il pouvait référer à ce que ça... Mais quand, dans la première génération, dans les premiers 30 ans, on appelait ça la tradition orale. Tant qu'il y avait un argument, on partait d'Antioche, on descendait à Jérusalem pour dire aux apôtres, qu'est-ce que Jésus a dit? C'est ce qu'on faisait. C'est comme ça qu'on tranchait s'il y avait des arguments. Si tu ne croyais pas ce que Timothée avait dit, que Paul avait dit, qu'il avait reçu de Jésus, OK, on descend à Jérusalem, on va demander aux 12. Si les 12 appuient Paul, c'est ça la vérité. Fait que là, les rouleaux, c'est pas l'Ancien Testament, c'est les... Il y en avait probablement des rouleaux de l'Ancien Testament. Il y en avait. Dans les synagogues, chaque synagogue avait ses rouleaux. Mais aussi, ils ont commencé à accumuler, pas dans les synagogues, mais ils ont commencé à accumuler dans l'Église les rouleaux des lettres que Timothée faisait et que les autres faisaient. Donc, quand Onésime part, puis ça va mener la lettre à Colosse, ils font des copies, là. Puis ils partent avec une copie, ils s'en vont ailleurs. Là. C'est juste 3-4 chapitres, ça prend pas 25 ans à écrire ça, là. On n'a pas des copies collées comme aujourd'hui, là. Mais on se faisait des copies. Donc, il y avait probablement le... Mais la plupart du temps, dans les premières, comme Marc ou Luc, ou les premiers écrits, on avait référence aux 12, puis à Paul. On n'avait pas de papier, on avait des gars qui étaient là. Donc, on allait les voir, puis on disait, qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Donc, et quand tu parlais avec Paul, voyant ce que Paul était, puis ce qu'il avait fait, puis ce qu'il faisait, Tu es venu à la conviction de ce qu'il disait était vrai, parce qu'il faisait des miracles, il ressuscitait les morts, il faisait ci, il faisait ça, il faisait ci. Donc, Dieu avait donné une crédibilité à Paul dans ce sens-là. Tu sais, quand tu dis tes mouchoirs, là, un peu sales, guérissent les malades, les gens écoutent un peu plus. ouais, OK, ça, c'est Paul, il chasse les démons, puis il fait ci, puis il ressuscite les morts, puis juste son linge, on y touche, puis on est guéri. Donc, il y a quelque chose de spécial, ce gars-là, tu sais. Donc, on a tendance à écouter. Un peu, c'est ça. Mais si tu n'étais pas encore certain, puisque dans les églises d'Antioche, ils ne sont même pas certains, même si Paul est là, Barnabas est là, mais ils ne croient pas, il y a une division dans l'église. OK, on fait un petit voyage, Jérusalem, au dessin, chapitre 15, il se présente dans l'église de Jérusalem. Et qu'est-ce que c'est que Jésus a dit, les 12? Les 12 confirment ce que Paul avait dit, c'est la vérité. C'est comme ça que ça marchait. Puis des fois, il allait chercher dans l'Ancien Testament pour montrer que l'Ancien Testament appuyait ces vérités-là aussi. Non, ils n'ont pas été handicapés parce que nous, on a des papiers. Non, ils n'ont pas été handicapés, ils n'ont pas été privés. Mais il n'y avait pas l'Apocalypse qui n'était pas encore écrite, ouais, en général. Mais il y en avait assez pour que Paul écrive un Thessalonicien sur le retour du Seigneur. C'était pas mal intéressant. Puis Jésus aussi, quand il parle dans les évangiles, quand il parle de son retour. Donc, il dit, mets-toi, sois sobre en toutes choses. Oui, ça peut t'amener à souffrir. Mais accepte-le, supporte-le. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis ton ministère. C'est pour ça que Paul, à quelques reprises dans les deux épîtres, il va dire, l'imposition de mes mains et du collège des anciens t'a reçu un don de la part de Dieu pour faire un travail comme évangéliste. Fais-le. Juste par le fait que Timothée avait reçu l'approbation du Collège des Anciens et de l'apôtre Paul, ça y donnait une notoriété dans sa compréhension. Vous avez peut-être déjà assisté à des mises à part de pasteurs. Qu'est-ce qu'on fait? Le pasteur vomit sa théologie devant le groupe qui est là, qui est souvent des pasteurs ou des gens qui enseignent. Et là, il va être questionné sur qu'est-ce qu'il veut dire par ce qu'il a dit. On n'a pas le droit d'argumenter avec lui. On a le droit juste de poser des questions pour qu'il clarifie ce qu'il a dit. Et le conseil, après, le conseil de ces 30-40 personnes-là qui sont été mandatées par l'association, par nos églises, parce qu'on était mandatés par nos églises, vont évaluer si la doctrine de ce pasteur-là, elle était baptiste. Ça reflétait la confession de foi de l'Association baptiste du Canada. Si on croyait que non, on ne lui donnait pas le fait d'être pasteur baptiste dans nos églises. C'est ça, j'ai jamais vu. Mais il y en a qui ont stimulé pas mal de questions. pas mal de questions. Mais, en généralement, les gens le savent avant d'arriver, que leur doctrine est... Mais ils veulent tout de même que les gens l'entendent et qu'ils approuvent la décision. Donc, fais l'œuvre de ton évangéliste. Donc, on a vu ensemble qu'on pense que, dans Éphésiens, l'évangéliste, c'est celui qui était entre les apôtres et les prophètes et l'Église. Entre les deux, tu avais des évangélistes qui allait d'église en église, redresser, corriger, ramener ce que les apôtres avaient dit. Parce qu'on n'avait pas ce qu'on a aujourd'hui, la technologie. Donc, on envoyait un évangéliste, puis l'évangéliste, Paul dit de Timothée, il va vous dire la même chose que je vous dis. Si je serais là, je ne dirais pas d'autre chose que ça. Il connaît mon enseignement par cœur. Donc, il va vous dire ce que c'est. Il va répondre à vos questions. De la même façon que je répondrais, peut-être moins de mots, là, mais il va répondre. Parce que Paul avait confiance en Timothée. Il l'avait instruit pendant 10 ans, 15 ans, je ne sais pas combien de temps qu'il était avec lui, semaine après semaine, mois après mois, année après année. C'est pour ça qu'il a dit aux anciens d'Éphèse, j'ai passé 3 ans avec vous, jour et nuit, dans vos maisons, partout, je vous ai enseigné tout le concept de Dieu, maintenant c'est votre responsabilité. C'est à vous autres maintenant de défendre l'Église. C'est ce qu'il dit avant de partir. Vous ne me verrez plus, là, c'est fini. Donc, il avait transmis ce qu'il avait reçu de la part de Dieu. Remplis bien ton diaconat ou ton ministère. Le mot dans le grec, c'est le mot diacre. Donc, ton service. C'est ça que Dieu t'a appelé à faire dans l'Église. Fais-le, Timothée, même si ça te cause quelques souffrances. Parce que l'avènement du Seigneur s'en vient. Et il va juger les vivants et les morts. Si l'Église n'est plus dans la bonne direction, Dieu va juger l'Église. On le voit dans l'Apocalypse, on l'a vu ensemble. Qu'est-ce que Jésus dit à l'Église dans l'Apocalypse? T'es bien mieux de te redresser. Sans ça, je vais te condamner avec le monde. et je vais te vomir dans ma bouche. C'était une des discussions qu'on a eues hier dans la table, que Dieu ne pouvait pas nous sentir, les êtres humains. Il dit qu'il va nous vomir. Puis les amis, que ça, de Dieu, que papy, tu as un Dieu. Il n'est pas capable de nous regarder. La Bible dit qu'il met ses mains devant ses yeux. Il ne peut pas nous voir tellement on est pécheurs. S'il reste avec nous autres, il va nous tuer, il va nous détruire parce qu'on est pécheurs. Il n'est pas capable. Tu sais, il dit, sors Adam, sors du paradis avant que je te frappe et que je te détruise. Mais je te dis que je vais pourvoir à quelqu'un pour ton salut. Mais si tu restes dans ma présence, tu meurs. On a de la misère. Puis les enfants là, de nos églises, là, ils ne connaissent pas ce Dieu-là. Ils ne veulent, puis les églises ne l'enseignent pas. Dans les écoles du dimanche, on a fait des petites histoires dans la grosse histoire. David, Goliath, bon berger, le berger perdu, l'enfant prodigue. On a pris des petites histoires, puis on a conté ça aux enfants, puis Jésus paraît donc gentil, puis il est donc beau, puis il est donc fin, puis est donc tu corriges ce Jésus-là. Ce n'est pas le vrai Jésus de la Bible. C'est un faux Jésus. Et on présente ça aux enfants comme si c'était le vrai Jésus. Le vrai Jésus ne peut pas dire à son église, je vais te vomir dans ma bouche. Voyons donc, Jésus, pas comme ça. Une des petites filles, elle dit, j'aime ça parler avec toi, papy. Elle dit, toi, tu dis toujours des affaires, pas comme les autres. Elle dit, j'ai dit, écoute-la bien. Parce que c'est ça que la Bible a dit. C'est ça que la Bible a dit. Dieu, faut-tu le prendre au sérieux, parce qu'il y en a qui parlent. C'est ce que Paul dit à Timothée. Eux autres, ils vont vouloir se détourner de la vérité. Toi, reste attaché à la vérité, sois sobre, accepte la souffrance s'il le faut à travers cela, mais fais ta job d'évangéliste, reprends, censure, exhorte avec toute douceur, avec amour, mais il faut que tu le fasses, Timothée. Il faut que tu le fasses. Si tu aimes l'Église, Timothée, il va falloir que tu dises la vérité. J'ai donné un exemple à mes petits-enfants. Excusez-moi si je vous parle de ça ce matin. J'ai dit, c'est comme papy, il dit, allez voir le médecin. J'ai dit au médecin, dis-moi la vérité. Il n'a pas de gamble, hein? Ça fait mal. J'ai eu peur. Puis je lui ai demandé de me dire la vérité. Ici, il m'a dit, c'est pas si grave, c'est pas bien, c'est pas si pire. On va s'en passer. Tout va bien aller. Tout va bien aller. J'aurais peut-être pas rien fait. Mais il m'a dit la réalité. Et j'ai décidé de me faire soigner. Puis Dieu, il est comme ça. Il dit jamais une demi-mesure. Il dit la vérité. Puis ça fait mal, ça fait peur. Mais en même temps, il dit, il donne d'autres choses. Il donne le moyen, il donne une solution. Ça, c'est ça qui est merveilleux. Il nous donne une solution. Oui, docteur, il m'en a donné une demi-solution. J'avais une vraie solution à 100%. Je serais bien heureux, mais il dit, j'en ai pas de solution à 100%. Il n'y en a pas. Le mot douceur revient. Hein? Douceur. Oui. Je trouve ça comme le cœur de Dieu en même temps, il y a le côté douceur. Oui, c'est le mot, c'est le mot patience. Ça va prendre du temps. Donc, c'est pas juste qu'il parle doucement, c'est ça. C'est que tu vois, il va prendre ton temps avec ceux qui ont entendu la prédication. Ils ont accepté d'être repris par la prédication, accompagne-les, prends ton temps. Souviens-toi de Timothée, j'ai passé 10 ans avec toi, puis j'ai pris mon temps avec toi, je t'ai fait grandir tranquillement. Donc c'est ça que ça veut dire ici. Dieu est patient. OK, c'est pas dans le sens, mettons, d'être la colère devant quelqu'un qui amène quelque chose de faux. C'est le censurer. C'est ça, censurer. Ça, c'est la colère. Okay. Mais quand pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se laisser reprendre. Donc, censure-le. Ouais. S'il veut se laisser reprendre, se laisser exhorter, accompagne-le. Ça va peut-être prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais accompagne-le tant qu'il veut. Accompagne-le, aide-le, mette son disciple et tout est partant, va dire avec, tranquillement. Accompagne-le. Tant qu'il veut se laisser reprendre par la parole de Dieu, suis-le, accompagne-le, fais-le grandir avec toi. Donc, c'est ça qu'il est en train de dire ici. Et là, Paul, il va revenir avec lui-même. Il dit, eux, toi, moi. Là, il parle de lui. OK? Là, il embarque dans ce qu'il fait souvent. C'est drôle, hein? Paul, c'est son dernier livre, puis il parle de sa fin, il parle de la fin de la course pour lui. Je sais que tous les chrétiens aimeraient dire ce que Paul dit ici. On aimerait tous être capables de dire ça. Tous. Car pour moi, je sers déjà de libation. Avez-vous d'autres choses que le mot libation dans la Bible? Je suis sur le point d'être offert en sacrifice. OK. D'autres, le mot libation au verset 6. Car moi, je sers de libation. Là, il parle de quelque chose dans le temple, dans l'Ancien Testament. Le mot libation, c'était quelque chose. Il n'y avait pas d'autres mots? Tout le monde a le mot libation? Exemple. Oui. C'était souvent du vin qui accompagnait le sacrifice. Quand on faisait un sacrifice, on accompagnait, on va arroser la bête avec du vin. Donc, quand on mettait c'était toujours les sacrifices de louange ou d'action de grâce. Jamais des sacrifices pour le péché. Mais pour la louange, des actions de grâce, il dit, je vais être offert à Dieu comme un sacrifice de louange. J'aime tellement ça, je trouve ça tellement cute et beau. Il dit, je vais mourir, mais ça va être un sacrifice à Dieu de louange et d'action de grâce. Quelle capacité de voir sa propre vie se terminer. Donc, il dit, je sers de liquide qu'on va mettre sur le sacrifice d'action de grâce qu'on va faire à Dieu. Et le moment de mon départ approche. Donc, il semble que Paul sait qu'il va mourir. Pour qu'il dise ça, à moins qu'il y ait une révélation de Dieu ou qu'il y ait une révélation du juge qui l'a jugé et qui l'a condamné, c'est un des deux. Mais je pense bien, logiquement, c'est probablement le juge qui l'a condamné à mort. Il dit au verset 7, « J'ai combattu le bon combat. » Vous vous souvenez, ça fait déjà 2, 3, 4 mois qu'on parle. Combat, le bon combat, garde le bon dépôt, combat, le bon combat, combat, le bon combat. Et Paul, il dit, « J'ai combattu le bon combat, le combat de la foi, j'ai combattu, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Il termine de même. On pourrait mettre ça sur son épitaphe dans le cimetière. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est le désir du... Ouais. Il est temps, tu veux aller voir? C'est qui est là? Je pense à l'air du pasteur, je suis pas sûr. Pousse qui est là. C'est ça, c'est le pasteur. C'est Sylvain. Donc, j'ai combattu le bon combat. Ça veut dire que tout au long de sa vie chrétienne, il a combattu. Il a combattu. Sa vie chrétienne, il compare ça à un combat. J'ai combattu pour garder la foi. Ce n'était pas juste Timothée qui devait combattre pour garder la foi. Il dit, moi aussi, Paul, j'ai combattu pour garder la foi. Parce que Paul, si vous ne saviez pas, je vous l'apprends, il était un pécheur encore. Hein? Et les pécheurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'éloignent de la vérité. Et Paul avait besoin, tout le temps, de revenir ici. J'ai combattu la chair, parce que ma chair voulait m'emmener dans une autre direction. Et c'est la destinée de tous les croyants. Il nous l'avait dit dans Romains 7. Le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Le bien que j'aimerais faire, je n'arrive pas à le faire tout le temps. J'ai un combat entre la chair et l'esprit. Mais il dit, j'ai combattu. Il a dit, nos places, vous vous souvenez, j'ai traité durement mon corps afin de ne pas être rejeté après avoir prêché. Ça ne pillait pas juste en arrière. Si je ne termine pas la course, ça ne marche pas. Donc, c'est pas juste en arrière. Les chrétiens, souvent, s'appuient juste en arrière. Paul dit non. Oui, en arrière, mais faut en avant aussi. Il faut aller en avant. Donc, il dit, qu'est-ce qui va arriver à cause que j'ai terminé la course? Est-ce que j'ai gardé la foi, pas je continue à croire parce que Éphilète, Pierre Ménégée aussi, avait encore la foi, mais plus dans la vérité. J'ai gardé la foi transmise par Jésus-Christ, la foi transmise par les apôtres. J'ai resté attaché à la foi apostolique qu'on appelle, ou la foi, ou l'évangile de Jésus-Christ. J'ai resté attaché tout au long de ma vie. Ça m'a coûté toutes sortes de choses. Ça a été difficile des fois. Des églises m'ont rejeté. Des fois, les églises, on va le voir un peu, tous m'ont abandonné. À certains moments donné, là, j'ai dit, Paul, tu vas trop loin, on débarque, on s'en va dans une autre direction. Il ne faudrait pas penser que Paul était idolâtré par toutes les églises. Là. Ça aurait mal compris le Nouveau Testament. Paul n'était pas aimé dans certaines églises. Puis, je pourrais vous dire, nous, on aime bien Don Carson, là, mais il y en a une gang qui crie des bêtises au sujet de Don Carson ailleurs. Lui, tout est obligé d'apprendre à vivre avec ça. Parce qu'il y a des gens qui écrivent sur le net, sur les médias, que c'est un hérétique, puis c'est un ci, puis c'est un ça, puis il va trop loin, puis il ne marche pas comme faut. Puis... Donc, c'est toujours... Il y a toujours un... Si je me fie à ce que les gens... disent de moi, je suis bien mal pris, là. Je suis bien mal pris. À cause que j'ai combattu le combat de la foi, je me suis battu pour garder la foi, je me suis... Quand il s'est levé avec Pierre dans Galate, puis qu'il a dit à Pierre, « Pierre, tu ne marches plus selon la vérité de l'Évangile maintenant. » Ouf! Il y en a peut-être qui n'ont pas aimé l'approche de Paul avec Pierre devant tout le monde. « Pierre, hier, tu mangeais avec tous les païens qui étaient ici dans l'église. Tu te sentais très bien, là. Tu mangeais du... peu importe quoi, avec les païens. C'était pas cachère. Là, la gang de Jacques arrive. Tu te caches en arrière des tables, tu vas t'asseoir avec eux autres. Tu entraînes l'hypocrisie. Même Barnabas est tombé dans le piège avec toi. Il s'est assis au banc. Tu marches pas selon l'Évangile, Pierre. Ça a dû écouter peut-être quelques plumes à cette occasion-là. Parce qu'il y en a qui étaient de Pierre, hein. Puis il y en a qui étaient de Paul, puis il y en a qui étaient d'Apollos. Fait que la gang de Pierre, on lui dit, Apollos, c'est un peu loin, là, c'est pas si grave que ça, là, tu sais, voyons donc. Il a été un peu flexible avec les Juifs, puis... mais ça, ensemble, ça ne semble pas comme ce que Paul a vu, là, en tout cas. Mais il l'a repris. C'est pas toujours facile de le reprendre, puis Paul, il va démontrer pourquoi il est si sévère, puis qu'il le fait devant tout le monde. Puis il va l'expliquer dans le texte. Tu mets en cause l'Évangile, Pierre. Tu mets en cause l'Évangile. C'est pas que tu fais pas ce que j'ai dit, puis dans l'Église, on fait pas ça, puis dans l'Église, on n'aime pas ça. Non, tu mets en cause l'Évangile. C'était pas comme un péché moral. C'était pas... C'était un péché doctrinal. Puis pourtant, Pierre, il avait passé par là, il avait passé par la nappe qui descend avec Corneille, il avait tout passé. Mais la peur des hommes, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est un gros boulet pour nous, les êtres humains. Qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens, si on fait ça? Ou si on ne fait pas ça? Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous si on fait ci ou si on ne fait pas ça? Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous si on prend position pour ci ou pour ça? Et on a peur. Puis le proverbe dit, hein, la peur des hommes, c'est un piège. C'est un piège. C'est ce qui nous empêche de dire la vérité. Nous empêche de dire ce qui est vrai. Avec douceur, avec patience. Mais il faut dire ce qui est vrai. On peut choisir notre occasion. On n'a pas besoin de le faire devant toutes les églises toutes les fois. Mais cette fois-là, Pierre, Paul l'a fait de même. Mais des fois, ça peut être un à un. On peut reprendre quand on pense que l'autre s'est trompé. Là, il dit au verset 8, « À cause que j'ai combattu, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, Il était pas mal sage, Paul. Hein? Il a attendu que la hache commence à descendre. Désormais, j'ai terminé. C'est fait, c'est fini. J'ai terminé. Il ne l'a pas dit 20 ans avant. Il n'a pas dit ça 30 ans avant. À la fin de la course, il lève les mains, les bras en V. J'ai terminé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. C'est ça, il est-tu condamné à mort? C'est ce qu'on pense, oui. Par l'Empire romain. Ouais. Fait qu'il savait que son jugement était pendant, on pourrait dire ça. C'est ce qu'on croit dans l'histoire. Il est en prison à Rome. Oui, il est en prison à Rome, ici. Donc, il attend son jugement. C'est pour ça qu'il dit, j'ai terminé la course. Le juste juge me la donnera en ce jour-là. C'est intéressant, hein? Que cette couronne-là de justice va lui être donnée à la fin de la course. Nous, souvent, on parle de ça comme ça nous a été donné au salut. Lui, il en parle comme elle va y être donnée à la fin. C'est là qu'il y en a qui disent « Ah, c'est une récompense de plus qu'il va recevoir. » Il avait déjà eu la couronne au début, et là, il va en avoir une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Il va avoir des couronnes parce que il a fait un bon job de, en tant que missionnaire, en tant que apôtre. Non, je crois qu'il ne parle pas de ça ici. Je pense qu'il parle que... Parce qu'il met la... J'ai terminé la course. Vous vous souvenez, on avait vu ça dans les autres chapitres. L'athlète est couronné seulement s'il termine la course. Donc, si tu ne termines pas la course, c'est là que Jésus a dit, si tu persévères jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Fie-toi pas en arrière. Si tu ne persévères pas jusqu'à l'avènement, tu ne seras pas sauvé. Et nous autres, on a peur de penser comme ça, on a peur, puis on pense à tous ceux qu'on a connus, qui ont fait des professions de foi, qui ont allé dans les églises et qui ont abandonné en s'en allant. Il y a des... Moi, j'ai été élevé dans des églises. Qui nous parlait de ça dernièrement? Ah, il va revenir. Ah, c'est quand j'étais appelé civil il y a deux semaines. Ah, ouais, mais le Seigneur le savait, tu sais, j'étais sauvé, puis j'étais 20 ans dans le monde, et le Seigneur savait que je reviendrais. On se fie là-dessus, puis je dis, ouf, je n'ai pas entendu Paul parler comme ça, nous part dans les Écritures. Tu as divorcé ton Dieu pour 20 ans, et là, tu reviens te marier avec. Pas sûr qu'il est enchanté de la situation. Et il dit, le juste juge me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, donc ça veut dire qu'il y a une gang de monde qui vont recevoir cette couronne-là en même temps. C'est quelque chose qui va être donné à tout le monde en même temps. Cette couronne de justice, il ne va pas la donner seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Pas la croix, l'avènement. Parce que la croix n'a pas de sens s'il n'y a pas d'avènement. Ça n'a pas de sens, la croix, s'il n'y a pas d'avènement. L'avènement du retour du Seigneur, c'est l'apogée de la croix. C'est l'apogée de ce que la croix a accompli. Donc, si j'aime la croix et je n'aime pas son avènement, je suis un menteur. Je n'ai pas gardé la foi. Je voulais avoir plutôt un billet pour rentrer au ciel, mais son avènement ne m'intéresse pas vraiment. Je vis comme ça ne viendrait jamais. Oups! Dieu dit, oups, pas de fait demain, ça marche. Pas de fait demain, ça marche. Parce qu'il bien, il dit bien, ceux qui ont aimé ça. Comment ça se manifeste, ça? Comment ça se manifeste que j'aime l'avènement du Seigneur Jésus-Christ? Comment je vais manifester ça tous les jours de ma vie? J'aime quelque chose. J'aime un événement qui s'en vient. Comment ça va me montrer? Comment ça va agir? Mais si je regarde la vie de Paul, on va le voir, parce que Paul a fonctionné. Donc, c'est l'avènement du Seigneur Jésus-Christ qui le motivait à garder la foi, à accepter la souffrance, à accepter la prison, à accepter les difficultés qu'il a pu avoir. Parce qu'il y avait en vue... Vous vous souvenez les héros de la foi de Hébreux 11? Sont tous morts sans avoir vu l'accomplissement de la promesse. Parce que Dieu voulait qu'ils nous attendent. Il dit, Dieu voulait qu'ils nous attendent. Et on va tous recevoir en même temps la récompense à notre foi, à notre persévérance. C'est pour ça que on a vu dans l'Apocalypse ceux qui sont comme l'image sous l'autel. Quand est-ce, Seigneur? Quand est-ce que tu vas tirer vengeance? Et quand est-ce que tu vas établir le royaume? On attend ça. On attend que tu nous ressuscites. On attend la partie de nouveau sur une nouvelle terre. C'est ça la promesse. C'est ce qu'on veut. Et tant qu'on n'est pas là, on n'est pas satisfait pleinement. Même la présence de Dieu dans le ciel n'est pas satisfaisante pleinement tant que je ne suis pas ressuscité et dans la présence de Dieu pour l'éternité. C'est ça mon salut. Pas au moitié ici, au milieu. Je dis, moi, c'est mon salut, c'est le titre au milieu, là, je vais mourir, je vais aller au ciel avec le Seigneur. Non! Il en manque un bout! C'est pour ça que ceux qui meurent attendent l'événement du Seigneur Jésus-Christ pour que le salut soit complet dans leur vie, soit complètement accompli dans leur vie. Parce que Dieu n'a pas sauvé seulement mon âme, il a sauvé mon corps. J'ai marqué ça dans mon journal Les médecins s'occupent de mon corps, mais le grand docteur s'occupe de mon âme. Les docteurs ne peuvent rien faire pour mon âme. Mais j'ai confiance que le grand docteur de mon âme va prendre soin de moi jusqu'à la fin. C'est ça la différence. Donc c'est... Parce que ce qui est arrivé dans le passé, ma justification, ma sanctification, c'est pas le but. C'est pas le but de ma vie chrétienne. Le but de ma vie chrétienne, c'est d'être avec Dieu, le bord, de ressusciter dans une grosse nouvelle terre. Ça, c'est mon but. Et tant que ça s'est pas arrivé, je suis pas rendu où ce que je voulais être rendu. Il dit, viens au plus tôt. Je vous encourage à penser à ça cette semaine, vous asseoir, faites des petites colonnes. Puis regardez, dites-vous, comment je manifeste que j'aime l'avènement du Seigneur Jésus-Christ? Comment je montre ça dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce que je fais de concret qui manifeste que j'anticipe quelque chose de grand, de merveilleux, de fantastique qui va arriver dans, dans l'avenir? Et dans Hébreux 11, les héros de la foi, il y en a qu'on a vu, ils ont accepté d'être sciés, ils ont accepté d'être tués, ils ont accepté d'être mis en prison, ils ont tous perdu leur bien. Là, on met des extrêmes pour que les gens comprennent. Mais il dit, ces gens-là, il dit, il y avait en vue une ville, une place tellement belle qu'ils sont prêts à perdre ici tout ce qu'ils ont pour avoir celle-là là-bas. Ça s'est manifesté dans leur vie de tous les jours. C'est pas juste des mots en l'air. J'attends le taux de Seigneur, j'aime tellement qu'il vienne. Non, on ne fait rien vraiment qui manifeste ça. Absolument rien. C'est important qu'on réalise ça. Donc l'apôtre Paul, il dit, en attendant son avènement, Paul, il a dit à Timothée quoi faire. Il dit, moi, voici ce que moi j'ai fait. Là, il dit au verset 9, viens au plus tôt vers moi. Car, là, c'est quand tu t'arrêtes là-dessus, c'est un peu triste quand il parle. Humainement parlant, du moins. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Je parle de ça avec un chrétien dernièrement, ce verset-là. Ouais, mais Démas est certainement revenu. Il est juste allé dans le monde un peu, il est certainement revenu. C'est ça, la mentalité du chrétien des années 60, de 70. J'ai dit non. J'ai dit, pas demain, ça marche, là. Il a abandonné la foi. Par amour pour le siècle présent, tu ne peux pas avoir deux amours. Tu aimes Dieu ou tu aimes le siècle présent, mais tu ne peux pas avoir les deux. Là. Tu ne peux pas avoir deux femmes. Là. Il est parti pour Thessalonique. Crescène est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère ou pour le diaconat. Intéressant, hein? Il sait que sa mort s'en vient. Mais ils disent, amène-moi donc Marc, j'en ai besoin pour le ministère. Jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il n'aurait pas deux pieds dans la tombe, il va penser là, au ministère, faire le ministère. C'est vraiment bien de voir cet homme-là agir de cette façon-là. Il ne faut pas le mettre sur un piédestal. C'est ce que tous les chrétiens sont appelés à vivre. Pas juste lui. Tous les chrétiens sont appelés à vivre. Oui. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, les livres et surtout les parchemins. Est-ce que Paul avait gardé des copies de ses lettres? Je ne suis pas surpris. Tu as mis un carbone entre les deux, tu sais. Mais probablement garder une copie. Parce qu'il y a des gens qui écrivaient des lettres disant que ça venait de Paul. Lui disait, ah, non. Moi, je garde peut-être des copies de ce que j'ai fait pour être certain que les gens ne vont pas dire que ça vient de moi. Je suppose, c'est pas marqué dans la Bible. Là, il parle d'Alexandre le forgeron. « M'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. » Voyez-vous, donc, le fait de s'opposer aux paroles, tu t'opposes aussi en œuvre. C'est pas juste, il s'est opposé à mes paroles, puis il n'a rien fait, mais il s'est opposé aussi à moi. Et Dieu va juger les œuvres qui ont manifesté qu'il s'était opposé à moi. Donc, les œuvres et la foi, ça va toujours de pair. On ne peut pas les séparer. Jacques nous a avertis assez fortement, la foi sans les œuvres, elle est morte, elle n'existe pas. Nous, on essaie de faire coller à tout le monde que la foi sans les œuvres existe. Et la Bible s'efforce à dire, elle, que la foi sans les œuvres n'existe pas. Elle est morte. N'existe pas. Et nous, on dit, oui, la foi sans les œuvres, ça sauve. La foi sans les œuvres, ça sauve. Ah, dis pas ça de même, là. Mets ça dans la big picture. Mets ça dans la grosse photo, là. C'est pas juste que tu versais à travers. La foi sans les œuvres, ça sauve, ça sauve, ça sauve. Vous allez voir, c'est pas long que les œuvres arrivent. Donc, on est sauvé pour des œuvres préparées d'avance par le Seigneur, pour nous, pour toute notre vie chrétienne. Il nous a été sauvés pour des œuvres. Pas par les œuvres, mais pour des œuvres. Et j'écrivais cette semaine, à quel point il est condescendant de vouloir utiliser des êtres comme nous. Le Dieu de l'univers qui peut tout faire en claquant du doigt a décidé qu'il utilisait des hommes et des femmes faibles, difficiles, pas toujours parfaits. Mais il dit, attends, c'est vous autres que je vais utiliser pour accomplir mon plan. Et ça va prouver que tout vient de moi, ça ne vient pas de vous autres. C'est sûr que ça ne vient pas de vous autres. Parce que vous êtes tous imparfaits. Donc ça ne peut pas venir de vous autres, ça, cette affaire-là. Non. Donc pour ça, je prends des gens imparfaits pour que la gloire me vienne. C'est ce que l'apôtre Paul il dit, vous portez ce grand trésor dans des vases de terre afin que la gloire revienne à Dieu. C'est ça, regarde pas la vieille boîte en tôle, toute rouillée, tout ça. Mais si tu le roules, tu vois ce qu'il y a dedans. Ah là, ce qu'il y a dedans, ça a une grande valeur. Mais la boîte, il y a un coup, tu as pris ce qu'il y a dedans, tu as coupé sur la boîte parce que t'as acheté. Si tu voulais avoir ce qu'il y avait dans la boîte. Nous, on est des instruments de Dieu dans sa grâce. Il a bien voulu nous faire participer à son œuvre. Là, il dit, dans ma dernière défense, la plupart des théologiens pensent de la dernière fois qu'il est passé devant le tribunal, devant César peut-être, devant des avocats. Première défense, pas dernière. Première, c'est pas ça que j'ai dit? J'ai entendu d'abord. Ah, excusez, première, c'est ça que j'ai... Dans ma Bible, c'est marqué première. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Vous savez, si vous lisez les Actes des Apôtres dernièrement, c'est ce que Paul a fait à chaque fois qu'il était devant un avocat, devant un notaire, devant un synédrin, devant n'importe qui. Il partait et annonçait l'Évangile, puis il disait, c'est à cause de la résurrection, j'ai été condamné, puis c'est à ça, c'est à cause que je crois ici, c'est à cause que... Il part! Puis là, c'est comment ce qu'il s'appelle le roi, là? Il dit, si ça continue de même, Paul, tu vas me convaincre de devenir chrétien? Il dit, à Dieu ne plaise, que j'aimerais bien que vous deveniez tous chrétiens, à l'exception de mes chaînes, bien entendu. Tu sais, il n'arrêtait pas. En cours, partout. Il dit, bon, ils ont mis devant une gang de 70, puis j'ai dit, ben, j'ai un auditoire gratos, prêcher l'Évangile. Okay? Je vais leur dire pourquoi je suis là. Je vais leur dire pourquoi on m'attaque, pourquoi on m'a emmené ici. Donc, il a le droit, parce qu'il doit défendre sa position chez les Romains. Tu as le droit aussi de te défendre si on t'accuse. Vous le voyez dans les Actes des Apôtres aussi. Et les Actes des Apôtres, en grande partie, sont écrits pour ça. Luc va démontrer, par l'histoire des 30 ans, que les chrétiens ont toujours été accusés faussement. Parce que le Sanhédrin, finalement, diable, que Paul n'a pas commis de grave, Agrippa a fini par le dire, Félix finit par le dire, « Oh, s'il n'y en avait pas appelé à César, on l'a relâché, il n'a rien fait de mal. » C'est en partie pour ça qu'il écrit les Actes des Apôtres, pour dire à Théophile, qui est une autorité romaine, les chrétiens, là, ils ont toujours été accusés faussement. Regarde toutes les autorités qu'ils ont accusées, ils ont tous dit qu'ils n'étaient pas coupables. Ils ont tous dit qu'ils n'étaient pas coupables. Donc, toi qui es une autorité romaine, là, hein, défendons les chrétiens. Défendons les chrétiens. Donc, c'est par tout ce qu'ils ont passé en cours, ils ont toujours été déclarés non coupables. Donc, c'est une des raisons que les Actes des Apôtres sont écrits jusqu'à certains points. Donc, il dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? J'ai été délivré de la gueule du lion. Y a-t-il qui ont d'autre chose que le mot lion? Dans vos Bibles, à la fin du verset 17. Non. Non, le lion. Le lion ici, ça, ça représente quelqu'un. Moi, je pense que c'est Satan. Oui, oui. Ouais. Donc, vous avez tout le mot lion dans votre Bible? Oui, OK. Pour une fois qu'on est d'accord. Okay. Donc, le lion, c'est celui qui attaque pour détruire. C'est une image de quelqu'un qui attaque, qui est puissant. Dieu m'a délivré. Parce qu'il dit bien, j'ai été délivré. Donc, je ne dis pas, je me suis délivré. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera. Donc là, on vient à la même place. Il m'a dit, j'ai été délivré et je vais être délivré. Donc, c'est pas que j'ai juste été délivré jusqu'à ce jour, mais il y a la conviction, verset 18, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans le royaume céleste. Donc, Paul voit son cheminement chrétien comme un combat contre le lion. Vous avez vu ça dans Éphésiens. Vous n'avez pas à combattre seulement avec la chair et le sang. Il y a l'autorité satanique et toutes les autorités dans le ciel qu'ils allaient avoir à combattre contre. Mais il dit, le Seigneur m'a délivré. Donc, comment est-ce que celui qui était délivré? Comment est-ce que su ça, le Paul qui était délivré? Comment est-ce que su ça? Que le Seigneur l'avait délivré? Parce que par eux. Oui, oui, c'est la moitié de la réponse, ça, moi, je dirais. J'aimerais mieux avoir. Parce qu'il est arrivé, bon, à la fin du combat, parce qu'il a gardé la carte. Oui, mais quand il a parlé, il a dit la vérité. Quand il a parlé, il a continué à dire l'Évangile. Il manquait quelques mots, là. Je voulais que tout le monde entende, là, quelques mots. Il m'a délivré. Je sais pourquoi j'ai été délivré. J'ai continué à prêcher l'Évangile. S'il ne m'avait pas délivré, j'aurais changé l'Évangile. C'est ce que j'aurais fait. J'aurais fait comme les autres. Je leur ai dit, ouais, mais finalement, toutes les religions sont peut-être bonnes, mais c'est un bon gars, finalement. Comme la personne que j'ai entendue la semaine, il y a deux semaines, ah, oh, j'ai toujours aimé Jésus, j'ai toujours voulu lui rassembler depuis que je suis toute petite. Aïe, aïe, t'es pas le même évangile que moi, toi, là, non? Faut qu'elle soit redressée tranquillement avec amour, tout ça. Je l'amener à comprendre que pas tout à fait de même que ça marche. Faut faire une différence entre religieux et spirituel. Et c'est vrai qu'il y en a, il y a des Bernadette Soubérou partout. Que dès l'enfance, c'est des jeunes personnes très religieuses qui aiment faire le chapelet, puis qui aiment aller prier, puis qui aiment faire ça. Il y en a partout dans toutes les cultures de ça. Ça ne fait pas de nous des gens qui sont acceptés par Dieu. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera. Tu n'as pas été sauvé, Paul, dans le passé, tu ne peux pas. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. C'est futur, en fait, ça. Hein? C'est futur, spirituel. Donc, ça veut dire qu'ils vont me délivrer de toutes ces tentations d'abandonner à cause de la souffrance, à cause de la mort, à cause que ma tête va être coupée sur un bûcher bientôt. J'ai gardé la foi quand même. Dieu m'a délivré. Délivré de ma chair qui aurait voulu. Parce que des fois, hein, vous savez, des fois, il y a des gens qui sont mis devant. Il aurait pu juste dire quelques mots, quelques phrases, puis arrêter comme pas sur le côté. C'est pas mort. Mais ils tiennent modicus à dire que Jésus était Dieu, que Jésus était l'Évangile, que Jésus était le Fils de Dieu. Ils l'ont gardé et ça les a coûté la vie. Ou des fois des biens ou quoi que ce soit. Et je suis content de voir que Paul, à cause de son passé, moi, ça faisait me chercher plus, c'était ici. À cause d'un arrière qui m'a délivré. Je sais qu'il va me délivrer dans l'avenir. C'est mon passé qui me dit qu'il va me faire demain. Et ça, c'est encourageant. Dans une situation, tu sais, il m'a gardé. Il va me garder. Tant que je vais continuer à répéter l'Évangile, il va me garder. Il va me garder dans la foi. Et pour que je puisse entrer dans son royaume céleste, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il termine ici son discours à lui. Là, c'est la fin de sa vie, on pourrait dire. On n'a pas d'autre chose de lui après. Et là, il dit « Salut Prisca et Aquilas. » C'est qui ça? Hein? C'est les deux qui étaient avec lui qui avaient commencé l'église d'Éphèse. C'est incroyable de le voir qu'ils sont encore là. après toutes ces années, ils sont encore là dans la foi avec Timothée. Salue-les de ma part. Et on est Onésiphore qu'on connaît bien, qui n'avait pas eu honte de Paul, qui est allé le voir, qui est revenu, et tout ça, qui l'a encouragé. Eras est resté à Corinthe. Je l'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Donc, il sent que c'est une hâte de voir. Est-ce que vous êtes capable de vous imaginer que Paul a besoin des chrétiens pour toffer jusqu'à la fin? Même Paul. Quand il se sent abandonné par tout le monde, il se sent plus vulnérable. Mais quand tout le monde l'accompagne, il se sent plus fort. Parce qu'il est accompagné, il est encouragé, il est fortifié, il peut prier avec des gens. Il est encouragé. Parce qu'il dit, viens me rejoindre avant l'hiver, Timothée. Je suis tout seul, juste Luc avec moi. Je ne sais pas combien de temps il va rester. Amène donc Marc avec toi. T'sais. Amène du monde avec toi. Plus il y a de monde autour de moi, plus je me sens capable de faire face à ce qui s'en vient. Et c'est vraiment une vérité biblique, je dirais. Là, il dit, tant je venais, là, il nomme des noms, et les noms qui sont là, c'est des noms latins, c'est pour ça qu'on sait qu'il est à Rome. Ubulus, Pudence, Linus, Claudia, et tous les frères te saluent. C'est des noms romains, des noms latins. Donc, c'est pour ça qu'on croit qu'il est à Rome aussi en même temps. Mais il l'avait dit ailleurs. Il est venu me voir à Rome. Que le Seigneur soit avec votre esprit, que la grâce soit avec vous. Donc, ça, c'est la fin de Paul. C'est les dernières paroles de Paul à Timothée. J'aurais bien aimé avoir une autre lettre, voir comment ça se finit l'histoire. Qu'est-ce que Timothée a fait avec ces deux lettres-là? On n'a rien. On n'a rien dans l'histoire qui nous dit que Timothée a fait avec lui. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à la fin, dans l'Apocalypse, l'église d'Éphèse est morte. Elle a abandonné son premier amour. Mais sa doctrine est irréprochable. C'est pour ça que la doctrine, ça ne sauve pas tout seul. La foi sans les œuvres est morte. Et Dieu ne regarde pas si tu es capable de citer le credo apostolique par cœur. Il regarde ce que tu fais avec ça. C'est ça qu'il regarde. Ce n'est pas juste des paroles dans les airs que tu peux réciter, le petit catéchisme qu'on était tout le temps, on peut réciter nos 500 questions par cœur, les meilleurs d'entre nous, mais ça ne nous sauvait pas. Là. Puis on disait des vérités là-dedans, là. Jésus, le Seigneur, Sauveur, ressuscité, il va revenir. On en parlait de toutes ces affaires-là. On les savait par cœur, les réponses, mais ça ne sauve pas. Il y a un ensemble de choses qui fait que, je vous l'ai déjà dit dans le passé, les œuvres, ce n'est pas pour Dieu. C'est pour nous. Dieu, il voit le cœur. Lui, il sait si j'ai changé mon cœur. Lui, il sait, lui, il n'a pas besoin de regarder. Il sait. Les œuvres, c'est pour voir si moi, je peux voir que j'ai changé mon cœur. Moi, c'est, je vais voir si mon cœur a été changé parce que ma vie change, mes œuvres ont changé. Je ne suis plus le même gars qu'avant. Donc, mais il s'est passé de quoi, là? Il a 47 ans, il s'est passé de quoi, là? Le petit gars, c'est un médecinouet, il n'est plus là, lui. Il s'est passé de quoi, là, depuis 47 ans? Donc, les œuvres manifestent la foi que j'ai. Et ça, c'est pas que tu es parfait, c'est pas que tu as atteint l'apogée morale, pas ça. Mais tu vois bien qu'il s'est passé de quoi. Et tu l'attribues au jour où tu as fait profession de foi en Jésus-Christ. Ta vie a été bouleversée, changée. Tu es parti dans une autre direction. Parce que tout d'un coup, tu as rencontré Dieu, tu as rencontré Jésus-Christ, tu as été régénéré, sauvé, juste petit comme vous voulez. La vie change, elle n'est plus jamais la même. Et on a l'exemple de Paul ici. Quand Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il est retourné à Jérusalem, et pouhou! Qu'est-ce qui s'est passé, Paul? Ton air, t'es tombé sur la tête, quoi? Tu étais frappé par un éclair? Sa vie avait complètement changé. Donc, il est devenu l'apôtre des païens. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans les deux les épîtres ici, il a encouragé à Timothée à « Tu sais, Timothée, tu sais, tu les sais les vérités. Agis en conséquence. Accepte les souffrances qui vont venir, mais fais l'œuvre que tu es demandé par Dieu de faire. Fais-le. » Et ça nous amène à voir que c'est ça, une des choses que j'aime de Don Carson. Il finit toujours par nous dire « Jésus en vaut la peine. Tout s'en va vers Jésus. Tout est pour Jésus. Rien qui est pour Jésus. Toute l'Église, c'est pour Jésus. Et c'est, Dieu, tout ce qu'il veut, c'est qu'on honore le Fils comme on honore le Père. Tout ce qu'il veut, c'est d'élever le Fils à sa droite et dire, c'est le Fils qui est important. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il nous emmène. La Bible, c'était écrit pour le Fils, pour nous présenter le Fils, qui nous présentait aussi Dieu en même temps. Et ça, c'est tu vis pour quelqu'un d'autre. Ça fait toute une différence, je crois. Si vous ne le savez pas, changer de conjoint, vous allez voir que ça change la vie. Oui ou non? Je ne sais pas, moi, j'ai toujours été avec la même. Mais quand on change de conjoint, ça change la vie à quelque part. Là. Et c'est, ça ne peut pas faire autrement. C'est normal aussi que c'est comme ça. Là. Ça ne change pas votre vie. Parlez-y pas de votre ancienne femme parce que vous allez avoir une claque. Ça change la vie. Et changer avec Jésus-Christ, ça change la vie aussi. Notre bon Père du ciel, merci de nous avoir conduits à travers ces deux épîtres-là. Merci que tu nous as fait du bien, tu nous as encouragés, tu nous as exhortés, tu nous as prêchés, tu nous as repris, tu nous as censurés, tu nous as exhortés à aligner nos vies avec la foi que nous proclamons. Tu nous as encouragés à accepter les souffrances qui peuvent en découler dans un monde qui te rejette. Puisses-tu, Seigneur, Dieu, nous, qu'on puisse dire comme l'apôtre Paul à la fin de nos vies, j'ai terminé la course, j'ai combattu le bon combat. La couronne de justice m'est réservée et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, avec tous ceux qui ont aimé son avènement. Nous attendons ce jour, Seigneur. Nous attendons ce jour. Fais que nos vies manifestent que nous attendons ce jour devant tous ceux avec lesquels nous vivons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Si vous voulez tourner avec moi dans Ésaïe 6, je vais revenir à Ésaïe 6. Ceux qui le veulent, prenez vos bibles, on va faire le repas du Seigneur avec Ésaïe 6. Donc, j'ai fait par exprès tout à l'heure de sauter les 7 premiers versets. Je les gardais pour le repas du Seigneur. Entre le chapitre 5, où est-ce que Ésaïe prêche au peuple d'Israël? Malheur à toi, malheur à toi, malheur. Parce qu'ils ont abandonné le vrai Dieu. Et la Bible nous dit vous vous êtes creusé des citernes d'eau crevassée qui ne retiennent pas l'eau. Il compare la foi. Il dit, ce que vous avez fait là, vous avez creusé des citernes, mais ils sont tous craqués, puis ça ne retient pas l'eau. Vous êtes détourné de moi pour faire ça. Mais un ami, vous n'avez pas réfléchi de bien longtemps avant. Là. Mais entre cette première prédication-là d'Ésaïe envers le peuple, Dieu va faire vivre une expérience à Ésaïe pour l'emmener à être prêt à faire le deuxième voyage, la deuxième sortie. Il fait voir, au verset 1 du chapitre 6, « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Une vision grande. Des séraphins, des anges, se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient, remarquez bien, l'un à l'autre. Ils ne crient pas à Dieu. Ils se crient l'un à l'autre. C'est intéressant de voir cela. Ils se crient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » Donc, ils se crient, les anges se crient un après l'autre, tellement fort. Donc, verset 4 dit, « Les portes furent ébranlées dans leurs fondements, et par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. » Mon ami, ça gueulait là, tu sais, hein? C'était fort quand ils criaient. Et là, remarquez bien le verset 5 maintenant. Alors je dis malheur à moi. Là, c'est pas juste malheur à Israël. Tout d'un coup, le malheur l'atteint lui. Malheur à moi aussi, qui est un pécheur. Là, il dit, maintenant, Dieu dit, tu vas être prêt à y aller, après la deuxième ronde. C'est pas juste qu'eux autres, ils n'ont pas fait, toi aussi. Toi aussi. C'est pour ça que lui, en voyant Dieu dans cette grandeur-là, dans cette majesté-là, dans cette sainteté-là, il voit, malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite un milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Donc, il voit son péché, il voit son état à lui. Et là, Dieu va intervenir, c'est là qu'on va se rappeler le repas du Seigneur pour nous. Un des séraphins va vers l'autel et prend un tison et va toucher la bouche d'Ésaïe. Les lèvres, maintenant, sont pures. Pourquoi vous pensez? Parce qu'on se prophétisait. Non. L'autel qui est là, c'est l'autel des sacrifices. Un sacrifice a été fait à ta place, mon Ésaïe. Il y a un animal qui est mort là sur cet autel-là. Je vais prendre un restant de. Puis je te touche avec et toi, tu vas devenir pur et tu vas pouvoir aller faire ce que tu as à faire. Prêcher l'Évangile. Ben, l'Évangile. Avec l'Ancien Testament. Ce que t'es. Il dit, l'autel, j'ai pris un tison dessus, c'est parce que quelque chose qui a été brûlé dessus. Il y a un sacrifice qui a été fait. Qui a payé pour ton péché. Et toi. Tu vas en bénéficier, je vais te toucher et toi, tu deviens pur. Et là, tu vas pouvoir aller prêcher aux gens que mon jugement contre Israël est juste parce que vous m'avez abandonné. Mais tu vas le faire en te rappelant qu'il y a une grâce qui t'a été faite à toi, pas en condamnant seulement. Pas en disant d'une gang de pécheurs, puis une gang d'italotes, toute la gang, puis une gang de mauvais, toute la gang. Tu vas te souvenir que toi aussi. Et là, quand tu vas prêcher, ça va être différent. Ça va avoir une attitude différente quand tu vas prêcher. Et quand on prend le repas du Seigneur, pour nous autres, c'est un peu la même chose. C'est pas un tison sur l'autel. L'autel, là, c'était la croix. Et Dieu a pris quelque chose de la croix, puis il nous a touchés avec ça. C'est une façon de parler, une image. Et il dit, maintenant, t'es pur. T'es pur à mes yeux. T'es justifié à mes yeux. Je ne peux plus te condamner parce que tu es pur. C'est ça qu'on appelle la justification. Donc, mais pourquoi? C'est parce qu'il y a un sacrifice de fait. Ce n'est pas pour rien que quand Jean-Baptiste présente Jésus, la première fois, la première chose qu'il dit au sujet de Jésus, quasiment. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il est présenté comme un agneau. Juste, vous, qu'on vous disait tout à l'heure, les choses qui s'en vont d'un bout à l'autre de la Bible. À la fin de la Bible. Chapitre 5, un agneau immolé sur le trône. C'est toujours la même vérité. Tout au long de la Bible, il y a toujours quelqu'un qui meurt pour sauver l'être humain pécheur. Tout au long, on voit tout ça. Jusqu'au moment où que le sacrifice parfait, l'agneau parfait, vient, qui accomplit toutes les images de l'Ancien Testament, et là, qui devient, ouais, je comprends pourquoi ça s'appelait un agneau, mais un agneau spécial. Un agneau divin et humain. Un agneau qui était pour être acceptable aux yeux de Dieu, qui était pour avoir une valeur assez grande pour que Dieu dise, « OK, je peux le pardonner. » Parce que le sacrifice est tellement grand que ça fait fléchir ma sainteté et je vais pouvoir exprimer mon amour avec ces gens-là. Parce que dans le fond, c'est lui-même qui meurt. C'est Jésus-Christ qui meurt. C'est beau, la Bible. Hein? C'est vraiment beau, la Bible, ça. Ça se tient d'un bout à l'autre, tout le temps. C'est, quand tu trouves le fil, tu tires dessus et tu défais tout le foulard. Tu fais tout le foulard, parce que ça se tient tout, cette affaire-là. Et si vous tirez et ça coupe, là, hop, là, je faisais un nœud quelque part, il y a quelque chose qui a manqué. Parce que c'est supposé devenir au complet. Notre bon Père du ciel, nous allons prendre ce repas pour se rappeler qu'il y a eu un agneau d'immolé. Un agneau parfait, l'agneau de Dieu, un agneau qui venait du ciel, un agneau qui venait de la présence de Dieu, un agneau céleste est venu. Il va être offert aussi sur l'autel, sur la croix. pour que nous, on peut maintenant annoncer au monde entier la grâce de Dieu et la sainteté de Dieu. Pas juste une, mais présenter les deux vérités. Afin que le monde sache quelle sorte de Dieu tu es. Tu n'es pas un pépère Noël avec une grande barbe. Tu es un Dieu trois fois saint. Et les gens qui te côtoient depuis des millénaires crient sans arrêter, jour et nuit, que tu es saint. Et que tu ne peux pas supporter dans ta présence ceux qui ne sont pas saints. Merci de nous avoir purifiés par Jésus. Merci qu'on peut se présenter devant toi sans crainte à cause de cet agneau immolé une fois pour toutes. Amen. Michel, Ghislaine, s'il vous plaît. Présenté. Je ne suis pas juste un fencer, là. C'est juste que j'aime déchirer le pain à la fin. C'est une image qui dans ma tête. Je suis un vieux jeu, mais je suis un boomer. Ça fait que, de voir que Jésus a pris le pain, et je crois que ça avait un geste pour les apôtres qui étaient assis là, qui étaient là. Les autres se souvenaient qu'il y avait un agneau qui avait été déchiré en morceaux, puis il avait mangé tout l'agneau. Donc il dit maintenant, c'est pas le corps d'un agneau, ça va être mon corps à moi qui va être brisé, déchiré pour la rémission des péchés. Donc, il a déchiré le pain. Et ce pain, c'est une image de ce qui va m'arriver cette nuit. Mon corps va être déchiré pour que vos péchés soient pardonnés. Mangeons à sa mémoire. Avant du repas, comme c'était la coutume au repas pascal, il prenait une coupe qui représentait le sang des agneaux qui avaient été immolés. On ne sait pas combien, 1000, 10 000. On dit qu'il est sorti de l'Égypte 3 millions de gens qui sont sortis de l'Égypte. S'il devait tout la manger jusqu'au matin, il devait autant que possible tout manger. Bon, si vous êtes une grosse gang de mangeurs, bien, mettez-vous juste 6 pour manger l'agneau. Mais si vous êtes pas des, vous êtes des petits mangeurs, mettez-vous 10. Mais mangez tout l'agneau possible. S'il en reste, brûlez-le. Mais ça ne doit pas rester là. Vous devez brûler parce que c'est comme sacré, on pourrait dire. Donc, il dit, cette coupe vous rappelle qu'un jour, vous avez mis du sang sur le linteau de vos portes et la mort est passée par-dessus vous. Vous n'êtes pas mort. Vous méritiez la mort. Mais déjà là, il y avait un agneau qui était mort. L'agneau, s'il n'est pas mort dans la maison, vous mourrez. Vous. Donc, l'image est là tout au long de l'histoire. La grosse photo, hein, je veux dire. Toujours souvenez, si je ne suis pas capable d'accrocher ma vérité après la grosse photo, c'est probablement pas une vérité. Il dit, vous allez boire maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous allez vous rappeler que mon sang, pas sur vos poteaux, mais sur votre cœur, vous autres, que ça vous a lavé de vos péchés. Buvons en sa mémoire. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient louer le Seigneur? puissants. On vient de prendre le repas du Seigneur et on se rappelle la croix. On se rappelle que le Seigneur Jésus a donné sa vie afin que nos péchés soient pardonnés. Et tantôt, dans ta parole, on disait, Paul nous parle aussi de l'avènement. C'est merveilleux de savoir ça, d'apprendre ça, que oui, la mort du Seigneur Jésus, c'est tellement important, mais c'est rappeler son avènement. Qu'on puisse, Seigneur, s'encourager mutuellement, s'exhorter les frères et les sœurs à l'en parler plus souvent, à s'encourager et à se supporter mutuellement afin de glorifier ton nom. Sois béni, Seigneur, grand Dieu. Amen. Amen. Notre Dieu, je suis émerveillé à quel point tu peux prendre des histoires simples d'un peuple, le peuple d'Israël, pour révéler l'infini que tu es. Un autel, un tison, un homme qui pleure sur son état d'être et nous faire comprendre qu'il y a un agneau qui vient, qui va sauver un peuple, une nouvelle humanité qui va sortir de cette souche qui était Israël, qui va commencer une nouvelle humanité composée d'hommes et de femmes de toutes les nations, de toutes les cultures, de toutes les langues, qui vont adorer ce Dieu-là, qui vont aimer ce Dieu-là, qui vont aimer ce qu'il nous a révélé de lui dans la personne de Jésus-Christ. On te remercie, Seigneur, que ce petit bout de pain, ce petit jus de raisin nous ramène 2000 ans en arrière, lorsque tu as souffert, lorsque tu as crié, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça nous ramène au moment où ce que fait noir pendant 3 heures. Tu ne pouvais plus regarder ton fils puisqu'il était devenu péché pour nous. Mais dans ton amour, tu l'as ramené à la vie, afin qu'on puisse vivre avec lui maintenant pour toi, jusqu'à temps que tu viennes nous chercher. C'est dans son nom que nous te prions. Amen. Amen. Donc, la semaine prochaine, Dieu voulant, je ne sais pas si je devrais être là, la chimio n'a pas commencé. On va commencer la semaine d'après. Je pense que oui, parce qu'on va arriver.